الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va commencer maintenant le cours numéro 84 dans l'explication du livre Qurrat Uyun al-Muwahhidin, écrit par le petit-fils du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans son explication de Kitab al-Tawhid. Et cette explication ici qu'on lit, c'est celle qui est accompagnée du commentaire de Cheikh Salih al-Fawzan, hafadahullah ta'ala. Donc on est dans le chapitre 8 encore, babun maja'a fi ruqa wa tamaim. Maja'a fi ruqa wa tamaim. Et on a expliqué dans les cours précédents donc les premiers hadiths qui ont été rapportés dans ce chapitre avec les explications. Et donc on était arrivé à l'endroit maintenant où le cheikh Abdurrahman ibn Hassan explique maintenant l'explication, il explique les citations et les paroles dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne ensuite, donc il expliquait Ar-Ruqa wa Tama'im wa Tiwala, Shirk. Donc ça c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique que Ar-Ruqa wa Tama'im, les incantations et les amulettes, et At-Tiwala, une forme de sorcellerie ou de magie qui est faite dans le but de rapprocher entre deux époux, ou bien de faire en sorte que l'un aime l'autre, ou des choses de ce genre, que ça fait partie du shirk. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné à ce sujet-là, justement, comme on l'a expliqué au dernier cours, qu'il y avait divergence entre les ulama par rapport à ces questions-là en ce qui concerne ce qui est fait à partir du Coran et ce qui n'est pas fait à partir du Coran. Et on a expliqué les divergences sur ce sujet-là et on a clarifié que la position correcte à ce sujet, c'est que toutes ces formes d'amulettes, qu'elles soient faites avec du Coran ou autre, que c'est quelque chose qui est interdit. Et comme Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu l'a mentionné, comme le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a cité également, il dit ولكن اذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه ومنهم ابن مسعود. Donc on a expliqué que certains salafs ont permis les amulettes et les incantations écrites qui sont faites à partir du Coran, et d'autres l'ont interdit et certains l'ont permis. Et parmi ceux qui l'ont interdit, il y a l'exemple de Abdullah ibn Mas'ud. Et on a mentionné au dernier cours les raisons pour lesquelles cela est interdit. Et on a expliqué que premièrement, c'est une porte ouverte pour justement les amulettes qui ne sont pas faites à partir du Coran, dans lesquelles il y a du shirk. Également, on a expliqué que ça ne fait pas partie de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna d'utiliser le Coran de cette façon, mais plutôt c'est de le réciter et non pas de l'accrocher ou de le suspendre ou des choses de ce genre. Ensuite, on a dit également que c'était une façon de manquer de respect aussi envers le Coran, puisque si on accroche le Coran sur soi-même, que ce soit dans une amulette ou sur un bijou ou des choses de ce genre, eh bien ça nous force à le porter également lorsqu'on va dans des endroits impurs comme les toilettes ou des choses de ce genre. Et bien entendu, ça c'est inacceptable. Ensuite, le cheikh, il mentionne à ce sujet, cheikh Al-Fawzan, il dit « Rawi al-hadith wa ya'ti fi khitam al-bab an Ibrahim al-Nakha'i تلميذ ابن مسعود أنه قال كانوا يقطعون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. Donc le narrateur du hadith qui a rapporté le fait que Ar-Ruqa wa Tamaim et At-Tiwala, ça fait partie du shirk. Il a mentionné justement à la fin de ce chapitre la parole de Ibrahim al-Nakhai, qui est l'élève de Abdullah ibn Mas'ud, et qui clarifie que les salafs, ils coupaient les amulettes qui étaient faites à partir du Coran ou autre. Donc il ne faisait pas de distinction entre ce qui est fait à base du Coran ou ce qui est fait à base d'autre chose que le Coran. Ensuite, le cheikh explique, il dit « wal maqsoud », donc ça c'est le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit « wal maqsoud bayan anna hadhihi l'umour ash-shirkiyya wa in khafiyat faqad naha anha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam likamali ilmihim bima dallat alayhi la ilaha illallah » من نفع الشرك من نفي الشرك قليله وكثيره ولتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو في دفع ضر أو جلب نفع وقد عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة فمن عرف هذه الأمور الشركية المذكورة في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما Donc ici le cheikh explique, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est l'explication des différentes choses qui font partie du shirk, même si elles sont subtiles, même si elles sont subtiles, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a interdites, de même que ses compagnons, à cause de leur connaissance de ce que signifie La ilaha illallah et de ce que ça implique comme négation du shirk, que ce soit une forme de shirk qui est grande ou petite, que ce soit peu ou beaucoup. Et donc, le but c'est de faire en sorte que les gens accrochent leur cœur en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils accrochent leur cœur en Allah subhanahu wa ta'ala et non pas en autre que Allah. Dans le fait de vouloir repousser un mal ou de faire venir ou d'attirer un bien quelconque, c'est en Allah qu'il faut mettre sa confiance dans ces choses-là et non pas une créature quelconque. Et le cheikh explique que ce genre de choses sont devenues courantes dans beaucoup de pays musulmans et chez beaucoup de gens qui se disent musulmans à notre époque, qui pratiquent ce genre de choses, mais il y a des choses beaucoup plus graves qui se sont propagées également dans les pays musulmans et qui sont beaucoup plus grandes en contradiction avec le tawhid. Et donc, il dit, donc celui qui sait ce qui a été mentionné dans ce chapitre actuel et le chapitre précédent, au sujet des amulettes et de ces porte-bonheur ou de ces choses-là, et qu'il est conscient que cela fait partie des formes de shirk, eh bien, il va également savoir qu'il y a des choses beaucoup plus graves que celles-là aussi qui se sont répandues parmi les musulmans. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ce passage-là. Il dit, par rapport au fait que les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba ont interdit toutes les formes de shirk, qu'elles soient petites ou grandes, parce qu'ils ont compris la signification de la ilaha illallah et de ce que cette parole vient nier comme différentes formes de shirk. Et il explique, il dit « وَهَذَا مِمَّا تُنْفِيهِ لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهِ يعني تُنْفِي تَعْلِيق التَّمَائِمْ لِأَنَّ فِي اتِّخَاذِهَا تَعَلُّقٌ بِهَا وتوكل على غير الله سبحانه وتعالى وهذا مما تنفيه هذه الكلمة لا إله إلا الله ولهذا قال المصنف في باب سبق شرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب وهذا من شرح لا إله إلا الله وأنها تمنع من تعليق التمائم. Donc ici le cheikh explique que la parole de la ilaha illallah, elle vient donc nier le fait d'accrocher des amulettes sur soi ou sur ses enfants ou sur ses animaux ou sur nos choses qu'on possède pour les protéger contre le mauvais œil ou contre les mauvais sorts ou contre le mal, peu importe la catégorie que le mal peut, de quelle catégorie le mal peut être, tout ça c'est quelque chose qui est interdit. Et que le fait de prendre, d'utiliser ce genre de choses, hein, comme les amulettes ou des choses de ce genre, eh bien c'est parmi les choses qui viennent opposer et contredire, nier la signification de la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que celui qui utilise ce genre d'objets ou ce genre de choses, hein, comme les amulettes et les gris-gris et les porte-bonheur et les choses de ce genre, eh bien, s'il les utilise, ça veut dire qu'il s'accroche à ces choses-là et qu'il met sa confiance en autre que Allah. Hein? Et ça, c'est ce qui vient nier donc la signification de la parole de la ilaha illallah, puisque cela implique que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et donc, par conséquent, que tu ne dois pas mettre ta confiance en autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ici, le cheikh explique que dans les chapitres précédents, on avait expliqué yani que l'explication de la ilaha illallah est contenue dans les chapitres qui suivent. Hein? Et bien entendu, ça c'était par rapport au chapitre de l'explication du tawhid et du shahada de la ilaha illallah. Donc ce chapitre-là, à la fin, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit que ce qui suit ensuite, ce qui vient ensuite, c'est pour expliquer ce que signifie la ilaha illallah, c'est-à-dire ce que signifie le témoignage de la ilaha illallah et ce qui représente une contradiction par rapport à ce témoignage-là, ou qu'est-ce qui vient opposer la signification de ce témoignage. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre au sujet des amulettes, ça rentre dans ce qui fait partie de ce qui oppose la signification de la ilaha illallah. Donc, c'est triste de voir que certains musulmans, parmi les musulmans, prétendent que il n'y a pas de mal d'utiliser ce genre de choses et d'avoir recours à ces amulettes et à ces pratiques, alors qu'elles sont en contradiction avec le tawhid. Donc ça, c'est extrêmement grave. Après, le cheikh, il explique, cheikh Al-Fawzan, comme commentaire par la suite, par rapport aux différentes formes de shirk qui se sont propagées dans les pays musulmans et qui sont encore plus graves que cette forme de shirk qu'on a mentionnée, il dit à ce sujet-là, يقول الشيخ أو يقول الشارح الشيخ عبد الرحمن عمت البلوى يعني في زمانه بأمور أعظم من تعليق الرقى والتمائم وذلك بعبادة القبور والذبح لها والنذر لها واتخاذها أوثانا إذا كان الصحابة أنكروا تعليق الحروز فكيف بمن يعبد القبور ويذبح لها وينظر لها ويسمون هذا هو الإسلام يسمون هذا هو الإسلام وهذا هو محبة الأولياء والصالحين الله المستعان. Donc le cheikh, c'est à ça qu'il vient faire allusion ici. Le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il veut en fait clarifier que quand il dit ma'ammat al-balwa, c'est-à-dire les choses qui sont devenues propagées maintenant parmi les musulmans et qui se sont généralisées, le cheikh, il dit, il fait allusion ici à son époque, hein, à son époque, et il dit que ces choses-là sont beaucoup plus graves, c'est-à-dire les choses qui se sont propagées maintenant sont beaucoup plus graves que le fait d'avoir recours à des amulettes et à des incantations qui sont contraires à l'islam. Donc ça, c'est pour dire que ces choses-là font partie du shirk, hein, et ça, c'est des choses interdites, mais à notre époque, ou à l'époque du cheikh, il y a des formes de shirk qui sont plus graves encore, qui sont devenues générales et acceptées maintenant dans certains pays musulmans. Donc c'est pour dire, par exemple, l'adoration des tombes, le fait de sacrifier des animaux et d'égorger des animaux pour pour des tombes et des morts, et de leur offrir des vœux. Hein. Donc ça fait partie de les prendre comme des idoles en réalité. Et les Sahaba ont donc condamné le fait d'avoir recours à des amulettes ou à des gris-gris ou à des pots de bonheur. Alors que dire de celui qui adore des tombes et qui fait des sacrifices pour les morts et qui fait des vœux hein, aux tombes et qui appelle cela l'islam et qui prétend que ça fait partie d'aimer les pieux et les vertueux. Donc ça, c'est des exemples que le cheikh a mentionnés pour nous faire comprendre que il y en a ici des choses plus graves se sont répandues et qui sont devenues généralisées et qu'elles sont acceptées par beaucoup de musulmans dans le monde, eh bien, c'est pas surprenant que certains d'entre eux acceptent ce genre de pratiques comme les amulettes et des choses de ce genre. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite, donc, que, il dit, « Bab ma ja'a fi libs al-halqati » Wahad donc le chapitre précédent au sujet des cordes et yani des bracelets ou des colliers ou des choses de ce genre, ainsi que le chapitre actuel au sujet des amulettes, des talismans et autres, ces deux chapitres-là, yani c'est des exemples aussi de ce qui يعني oppose le tawhid comme on l'a expliqué et il dit يعني لم يقتصر الناس على تعليق التمائم والحروز والحجب بل تجاوزوها والعياذ بالله الى عبادة غير الله بعبادة القبور والأموات. Donc c'est-à-dire que les gens maintenant ils ont dépassé ces formes de shirk là hein, dans les amulettes et les porte-bonheur et les gris-gris et autres. Et maintenant, ils ont dépassé ça et ils sont tombés carrément dans l'adoration d'autre que Allah, dans l'adoration des tombes et des morts. Hein? Allah al-Musta'an. Ensuite, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, « Wa fihi ma kana alayhi ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al-tahdhir min al-shirki wa al-taghlidh fi inkarihi wa in kana min al-shirki al-asghar fa huwa akbaru min al-kabair. Hein? Wa qad تقدم دليله في باب الذي قبل هذا وقوله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي وعبد الله بن عكيم بضم المهملة المصغر يعني أبا معبد الجهني الكوفي قال الخطيب سكن الكوفة و يعني قد وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة وقوله من تعلق شيئا وكل إليه التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله وهو ينافي قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد كما وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام ولا يصح معه قول ولا عمل وقوله وكل إليه أي وكله الله إلى ما علق قلبه به من دون الله ومن وكله إلى غيره ضل وهلك. Donc ici le cheikh il explique que يعني il dit, il y a également dans ce qu'on a expliqué, le fait que les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ont averti les gens contre le shirk et ont été extrêmement sévères dans leur condamnation de ce genre de pratique. Hein? Même qu'ils coupaient les amulettes quand ils les trouvaient sur les gens. Et il dit, وَإِنْ كَانَ مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْكَبَائِرِ. Il dit, même si c'est dans le cas où ça ferait partie des formes de shirk mineurs, c'est quand même plus grave que les formes de grands péchés qui peuvent être faits par des gens. C'est-à-dire que le shirk mineur est plus grave que les grands péchés. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, يَنِ لَمْ يَكُونُوا يَتَسَهَلُونَ بِالشِّرْكِ الْأَصْغَرِ لأن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر ولا يتساهل به ولا يعني لأنه يجر إلى الشرك الأكبر. فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتساهلون في الشرك الأصغر بل كانوا ينكرونه ويبادرون بإزالته. Donc ici le cheikh il explique que les sahaba ils ne prenaient pas le shirk mineur à la légère. Donc ils n'allaient pas dire par exemple que parce que quelque chose est un shirk mineur, c'est pas grave, laisse les gens faire ça, c'est pas grave, c'est juste un shirk mineur. Non. Le shirk mineur il est plus grave que les grands péchés que les gens peuvent commettre. Hein? C'est-à-dire quoi? Ça dit que c'est plus grave que par exemple le fait de boire de l'alcool. C'est plus grave que de faire le zina. C'est plus grave que manger du porc. C'est plus grave que yani, faire le riba et des choses de ce genre. Donc ça montre que c'est extrêmement grave le shirk. Hein? Même si c'est un shirk mineur, c'est grave. Et donc il faut mettre en garde les gens contre ce genre de choses et ne pas prendre ça à la légère. Hein? Contrairement à des gens actuellement, par exemple, qui se prétendent avoir du savoir et de la connaissance de l'islam et qui prennent non seulement le shirk mineur à la légère, mais même le shirk majeur, ils le prennent à la légère. Nasallallahu al-afiyah. Et une des raisons pour lesquelles les sahaba ils étaient stricts et sévères avec le shirk mineur à ce point, c'est parce que le shirk mineur amène les gens à tomber par la suite dans le shirk majeur. Hein? C'est une chose qui amène hein, à tomber dans le shirk majeur. Et les sahaba, ils ne prenaient pas le shirk mineur à la légère et aussitôt qu'ils le voyaient, ils se précipitaient pour hein, l'enlever et l'interdire et le condamner. Ensuite, le cheikh Abdurrahman, il a dit, et on a déjà expliqué les preuves à ce sujet-là dans yani, les chapitres précédents, on en a parlé. Ensuite, il dit, et La parole suivante, c'est-à-dire parmi ce qui a été rapporté dans le chapitre actuel, c'est la parole de Abdullah ibn Ukaym qu'il a mentionné de la part du yani comme étant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Ukaym qui dit le cheikh le hadith qu'il a rapporté qui est rapporté par At-Tirmidhi et Ahmad, et il dit que ce hadith-là, il signifie, donc premièrement on va le traduire, ça veut dire « Man ta'allaqa shay'an wukila ilayh ». On a lu un hadith semblable dans le chapitre précédent aussi, c'est-à-dire « Quiconque accroche quoi que ce soit sur lui-même, hein, et qu'il pense que ça peut le protéger ou le guérir d'un mal, ou éloigner un mal de lui, ou ramener un bienfait, comme un pot de bonheur ou un amulette ou un gris-gris ou des choses de ce genre, eh bien, « Wukila ilayh ». C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne à cette chose. Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne à la chose à laquelle il s'est accroché en dehors de lui. Donc ça, c'est pour dire que le musulman, il ne doit pas accrocher son cœur à quoi que ce soit autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne que Abdullah ibn Ukaym, sa kunya, c'est Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi. D'accord, ça c'est son nom, sa kunya, Abu Ma'bad, et son laqab c'est al-Juhani. Donc il est de la tribu de Juhayna et al-Kufi, c'est-à-dire qu'il était de la ville de Kufa. Naam. Et al-Khatib al-Baghdadi justement, il mentionne à son sujet qu'il était qu'il habitait à la ville de Koufa et qu'il est parti par la suite dans la région de Al-Mada'in pendant la vie de Hudhayfa, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'il était un narrateur fiable, hein, il était thiqa. Et en ce qui concerne le hadith lui-même, quiconque accroche quoi que ce soit, il sera laissé à cette chose, eh bien, il s'agit ici du fait d'accrocher son cœur. Et le fait d'accrocher son cœur à quelque chose, c'est ce qui amène quelqu'un à agir, à parler et à agir. Dans le sens que les actions et les paroles qu'on fait viennent à la base de ce qui est dans notre cœur. Donc, lorsque quelqu'un accroche son cœur à quelque chose, c'est-à-dire qu'il va détourner son cœur de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala comme étant celui qui est le seul qui peut lui profiter ou bien repousser de lui un mal. Donc, il détourne son cœur de cette croyance-là pour mettre sa croyance sur une créature ou un objet quelconque qui aurait yani, soit le pouvoir de le protéger en dehors d'Allah, ou bien comme certains par exemple qui vont croire que cet objet-là il a un pouvoir en soi de protéger en dehors d'Allah, ou que c'est une cause hein, dans la protection ou le fait de ramener un bienfait, et il n'y a pas d'autre que ça dans ces cas-là, c'est du shirk. Et c'est soit un shirk majeur, dans le cas où il croit que la chose elle protège en elle-même, ou une forme de shirk mineur si la personne croit que c'est une cause dans le fait de se protéger d'un mal ou de ramener un bienfait. Donc ça, c'est quelque chose qui est... C'est la signification donc de ce hadith-là. Lorsque quelqu'un accroche son cœur et attache son cœur à quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit qu'on a clarifié également dans les hadiths précédents, dans le chapitre qui a précédé cette signification-là. Et c'est clair que cette pratique, celui qui accroche des amulettes ou des choses de ce genre, il vient en opposition avec la signification du verset 112 dans Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, certes, celui qui soumet son visage à Allah alors qu'il est bienfaisant, hein, alors il aura sa récompense de la part de son Seigneur et il n'aura aucune crainte et ne sera point attristé. Donc qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ça signifie, yani, quiconque a soumis son visage à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'il a purifié son adoration pour Allah seul, c'est-à-dire qu'il a établi le tawhid et qu'il est venu avec al-ikhlas, hein, le fait de purifier son adoration pour Allah seul, et il l'a rendue exclusive à Allah. Donc il a établi le tawhid, wa huwa muhsinun, c'est-à-dire il a fait preuve d'excellence dans son adoration. Et il s'est limité à la sunna dans son adoration. Donc il n'a pas adoré Allah par des bid'ah ou yani, par quelque chose qui contredit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est muhsin dans son adoration. Eh bien, à ce moment-là, il aura sa récompense de la part de son Seigneur. Il n'aura aucune crainte et sera point attristé. Tandis que celui qui met sa confiance en un objet, ou en une amulette, ou en des porte-bonheur, ou des choses de ce genre, eh bien, il n'a pas purifié son adoration pour Allah. Donc, il ne s'est pas soumis sincèrement, il n'a pas soumis sincèrement son visage à Allah de façon exclusive, puisqu'il a pris des partenaires avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et il n'a pas non plus été muhsin, puisque dans son adoration, il a contredit la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait une innovation en utilisant ce genre de gris-gris et de porte-bonheur. Ensuite, le cheikh il dit, فَإِنْ كَانَ مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ. Ah oui, on va lire les commentaires de cheikh Al-Fawzan avant d'aller plus loin. Cheikh Al-Fawzan il dit donc, مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ يَعْنِي مَنْ تَعَلَّقَ قَلْبَهُ بِشَيْءٍ غَيْرَ اللَّهِ وكل وكله الله إليه ومن وكله الله إليه فهو خاسر ومن وكله الله إليه فهو خاسر فقد تعلق بضعيف مثله أو أقل منه ولا يدفع عنه ضرا ولا يجلب له خيرا فيهلك وأما من تعلق قلبه بالله فإن الله يكفيه ويحفظه لأنه قادر على كل شيء ولهذا جاء في الأثر من خاف الله عز وجل أخاف الله منه كل شيء. أخاف الله منه كل شيء. ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. خاف من كل شيء. Ok, donc le Cheikh Al-Fawzan explique ici donc que celui qui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans ce hadith, celui qui accroche son cœur à autre que Allah, hein, qui accroche son cœur à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui accroche son cœur qui s'accroche à quelque chose, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le laissera avec cette chose à laquelle il s'est accroché. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique que ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a accroché son cœur à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va le laisser à la chose à laquelle il s'est accroché. Et celui que Allah subhanahu wa ta'ala abandonne à une chose quelconque, yani celui que Allah subhanahu wa ta'ala laisse, hein, avec yani la chose à laquelle il s'est accroché comme créature, eh bien il est perdant. Il est perdant pourquoi? Parce qu'il s'est accroché à quelque chose qui est faible comme lui, ou même plus faible que lui. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc par conséquent, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la chose à laquelle il s'est accroché ne pourra pas repousser de lui un mal, aucun mal qui pourrait l'atteindre, et ne pourrait pas non plus lui rapporter ou lui ramener aucun bienfait. Et par conséquent, il va vers sa perte. Hein? Il va vers sa perte. Tandis que celui qui accroche son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le protéger. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir sur toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toute chose. Et c'est pour cette raison que il y a une narration qui est mentionnée, et ça fait partie des paroles de Omar ibn Abdul Aziz. Et cette parole de Omar ibn Abdul Aziz, elle dit quoi? Elle dit, hein, elle est rapportée dans Shu'ab al-Iman, elle dit: quiconque craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que Allah va faire que tout a peur de lui. Celui qui craint Allah, Allah va faire en sorte que toute chose aura peur de lui. Mais celui qui ne craint pas Allah, eh bien, Allah va faire qu'il ait peur de tout. Allah va faire qu'il ait peur de tout. Donc, celui qui met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui a peur d'Allah, il n'aura peur de personne, il n'aura peur de rien. Mais celui qui a peur d'autre, qui n'a pas peur d'Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il aura peur de tout. Et c'est ça la signification ici de ce hadith en fait. C'est que si quelqu'un s'accroche son cœur à autre que Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va l'abandonner. Et par conséquent, cette personne, elle n'aura pas de secoureur, elle n'aura pas d'aide. Hein? Parce que personne ne pourra l'aider en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui que Allah aide, personne peut lui nuire. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas son aide, personne ne peut l'aider. Personne ne peut l'aider. Peu importe. Même si toute l'humanité se met avec lui pour l'aider, personne ne pourra lui faire de bien. Personne ne pourra le protéger contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est très important de comprendre ça, parce que c'est parmi les principes du tawhid. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, par rapport à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ta'allaqa shay'an wukila ilay, le cheikh Al-Fawzan il dit: kalimatu shay'an ta'ammu kulla ma ta'allaqa bihi al-qalb min al-khayt wal-halaqa wal-qilada wa ghayri dhalik. Man i'taqada fi shay'in annahu yadfa'u anhu al-bala' فإن الله يأكله إلى ذلك الشيء الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. Donc le cheikh explique que ici la parole quand Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man ta'allaqa shay'an, c'est-à-dire quiconque accroche quelque chose, hein, sur lui, et qu'il accroche son cœur par conséquent à cette chose-là, en pensant que cette chose-là peut le protéger ou repousser le mal de sa personne, que ce soit une corde, que ce soit une chaîne, que ce soit un bracelet, peu importe l'objet, yani n'importe quelle autre chose qu'il utilise, une amulette ou yani une chose quelconque, quiconque accroche ce genre d'objet et il accroche son cœur à ça et met sa confiance en cette chose, eh bien, c'est général, c'est dans le sens que le fait d'avoir employé le terme Shay'an, qui est indéfini, ça veut dire une chose quelconque, peu importe laquelle. Donc c'est général, peu importe la chose sur laquelle quelqu'un accroche son cœur. Et il dit, donc ça veut dire que toute personne qui met sa confiance ou sa croyance en un objet ou en une créature, et il pense que cette chose est capable de repousser le mal ou de lui procurer un bienfait quelconque, alors que il n'y a rien en dehors d'Allah qui détient la capacité pour elle-même de ramener un bien ou de repousser un mal, alors ça c'est, yani cette personne-là, il n'y a pas de doute que, yani, elle est parmi les perdants. Et ensuite, le cheikh, il dit, yani, que at-ta'alluq yakunu bil-qalb wa yansha'u anhu al-qawl wal-fi'l. Donc, c'est-à-dire que le fait d'accrocher, yani, ici, le cheikh, il dit, c'est-à-dire par le cœur, et que c'est de là que va découler par la suite la parole et l'action. Et il dit, et également, le cheikh Al-Fawzan, il rajoute, et également la croyance. Également la croyance. Ensuite, le cheikh, il dit, à propos du verset 112 dans Surat Al-Baqarah, certes, celui qui a soumis son visage à Allah alors qu'il est bienfaisant, hein, alors il aura sa récompense auprès de son Seigneur et il n'aura aucune crainte et ne sera pas attristé. Le cheikh, il explique à ce sujet, Cheikh Al-Fawzan, il dit, فإسلام الوجه يعني الإخلاص لله عز وجل وترك الشرك الأكبر والأصغر والوجه هنا المراد به القصد والنية والعزم يعني أسلم وجهه يعني توجهه ونيته وقصده إلى الله عز وجل وذلك بإخلاص التوحيد وتجنب الشرك وهو محسن يعني متبع للرسول صلى الله عليه وسلم يسلم من البدع والمحدثات فإسلام الوجه يعني يسلم به العبد من الشرك وهو محسن يسلم به العبد من البدع والخرافات والمحدثات فهذه الآية جمعت بين الإخلاص والمتابعة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh, il explique ici que dans ce verset, comme je le disais tout à l'heure, yani dans Surat al-Baqarah, le verset 112, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit de soumettre son visage, ça veut dire quoi soumettre son visage? Ça veut dire de purifier ton adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah et qu'elle soit exclusive à Allah et de délaisser toute forme de shirk, que ce soit du shirk majeur ou mineur. Et le visage ici, quand on parle du visage, cela signifie en fait l'intention, hein? Et ça signifie également la détermination et l'intention et l'objet de la personne, c'est-à-dire le but de la personne. Donc, il doit purifier son intention et son objectif, hein? Que ce qu'il fait et le but pour lequel il le fait, ça doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Et quand on dit donc « aslama wajhahu », ça veut dire son intention, son objectif, son orientation. Ça doit être uniquement vers Allah et pour Allah. Donc ça implique de purifier l'adoration et d'établir le tawhid et de s'écarter du shirk. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « wa huwa muhsin », ça veut dire de suivre l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et d'être exempté des différentes formes d'innovation et de bid'a et des inventions que les gens ont inventées dans la religion. Donc, de purifier le visage et de soumettre notre visage, ça veut dire que le serviteur, il va s'éloigner du shirk. Et d'être un muhsin, ici, ça signifie donc de s'éloigner des innovations et des inventions et des superstitions. Et donc, ça veut dire que ce verset-là, en réalité, il a réuni entre ces deux éléments-là, qui sont les deux conditions pour l'acceptation de nos œuvres, al-ikhlas ou al-mutaba'a. Et ensuite, le cheikh, il explique, il dit, « فَإِنْ كَانَ مِنَ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ فَهُوَ يُنَافِي كَمَالَ التَّوْحِيدِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الشِّرْكَ الْأَكْبَرَ كَعِبَادَةِ أَرْبَابِ الْقُبُورِ وَالْمَشَاهِدِ وَالطَّوَاغِيتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهُوَ كُفْرٌ بِاللَّهِ. » Donc il dit, si ça fait partie du shirk mineur, dans ce cas-là, ça vient en opposition avec le perfectionnement du tawhid. C'est-à-dire, ça vient diminuer la perfection de ton tawhid, parce que c'est du shirk mineur. Mais si c'est du shirk majeur, comme l'adoration des tombes, l'adoration des morts, et l'adoration des idoles, et des choses de ce genre, alors dans ce cas-là, c'est une forme de shirk majeur, et ça représente une forme de kufr, hein, comme si quelqu'un a quitté la foi et sorti de l'islam. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit justement à ce sujet-là, il y a un shirk akbar wa kufrun yukhriju min al-milla. Ensuite, il dit, wa khurujun min al-din, min din al-islam, wa la yassihu ma'ahu qawlun wa la amal. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un a fait une forme de shirk majeur, il sort de la religion, ça veut dire qu'une fois qu'il a fait ça, eh bien, aucune parole qu'il dit, aucune action qu'il fait ne sera acceptée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, « الشرك الأكبر لا يصلح معه قول ولا عمل محبط للأعمال والعياذ بالله لأن لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. » Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Sourate Az-Zumar, le verset 65, « Celui qui fait le shirk, hein, si tu fais le shirk, si tu fais du shirk, ton œuvre sera vaine. » C'est-à-dire, Allah va annuler la valeur de tes œuvres. Donc, s'il y a du shirk majeur dans une personne, aucune de ses paroles, aucune de ses actions ne sera acceptée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il termine en disant, « وَقَوْلُهُ وُكِلَ إِلَيْهِ أَيْ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى مَعَلَّقَ قَلْبَهُ بِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ضَلَّ وَهَلَكِ. » C'est-à-dire que celui qui accroche son cœur à autre que Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va le laisser à cette chose, va l'abandonner à cette chose à laquelle il a accroché son cœur en dehors d'Allah. Et celui que Allah abandonne à autre que lui, c'est clair qu'il est égaré et qu'il va à sa perte. Et Cheikh Al-Fawzan, il commente là-dessus, il dit, لما تعلق قلبه بغير الله وكله الله الى ذلك الغير جزاء له. C'est-à-dire, une fois que la personne elle a accroché son cœur à autre que Allah, Allah subhanahu wa ta'ala la laisse à cette chose, hein, comme punition pour lui. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah on continuera la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.